Pendant que j'étais au séminaire, M. d'Aubonne fut obligé de quitter Annecy. M. l'intendant s'avisa de trouver mauvais qu'il fît l'amour à sa femme. C'était faire comme le chien du jardinier, car, quoique Mme Corvézy fût aimable, il vivait fort mal avec elle. Des goûts tramontains la lui rendaient inutile, et il la traitait si brutalement qu'il fut question de séparation. M. Corvézy était un vilain homme, noir comme une taupe, fripon comme une chouette, et qui, à force de vexation, finit par se faire chasser lui-même. On dit que les Provençaux se vengent de leurs ennemis par des chansons. M. d'Aubonne se vengea du sien par une comédie. Il envoya cette pièce à Mme de Varan, qui me la fit voir. Elle me plut et me fit naître la fantaisie d'en faire une pour essayer si j'étais en effet aussi bête que l'auteur l'avait prononcé. Mais ce ne fut qu'à Chambéry que j'exécutai ce projet en écrivant l'amant de lui-même. Ainsi, quand j'ai dit dans la préface de cette pièce que je l'avais écrite à 18 ans, je mentis de quelques années.